Bonjour Andréane. Bonjour. Là, j'ai un petit peu peur de te parler parce que tu es venu nous parler de films d'horreur. Moi, j'aime pas ça, les films d'horreur. Fait que c'est bon, tu vas pouvoir me convaincre, peut-être, d'en regarder quelques-uns, me donner des pistes de compréhension de ce genre de film qui sert à faire peur au monde. C'est ça? Oui. OK. Donc, toi, on peut dire que tu es une spécialiste des films d'horreur. Oui, j'en ai écouté beaucoup. Beaucoup, OK. Ça fait longtemps? Non, pas tellement. OK. Mais tu consommes régulièrement le produit, là, Oui. horreur. OK, c'est bon. Fait que, comment tu veux faire ça? Tu veux-tu un peu nous parler de tes références, tes préférés? Oui, bien sûr. OK. Ben, on t'écoute. Alors, mes deux films d'horreur préférés, c'est La cabane dans le bois, sorti en 2011. C'est plus une comédie qui moque les stéréotypes des autres films d'horreur classiques. OK, une parodie de. Ou en tout cas, une reprise des standards de films d'horreur, mais dans version un peu. C'est-tu drôle ou bien ça fait peur pareil? Non, c'est plus drôle que d'autres choses. OK. OK, la cabane dans le bois, puis à part de ça. Et le deuxième, il y a Prêt, pas prêt, sorti en 2019. OK. C'est un film très original et pas super connu, malheureusement. OK. Et c'est vraiment. Ça aussi, c'est un peu une comédie, mais c'est un peu plus horreur. OK. Puis c'est-tu des films qui sont faits aux États-Unis? On peut-tu les écouter, par exemple, sur une plateforme en particulier? Y a-tu. Les deux que j'ai nommés, je crois qu'ils sont sur Netflix. OK, parfait. C'est bon. Puis la raison pour laquelle c'est tes films préférés d'horreur, y a-tu. Peux-tu nous la dire? Ben, je trouve qu'ils sont très bien faits, puis il y a beaucoup de détails dedans qui sont très bien faits. Et l'histoire est originale, puis aussi j'aime les comédies horreur. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a l'aspect aussi un peu drôle là, de ces Ouais. histoires-là. Là. OK. Tu veux-tu me parler rapidement des histoires ou bien. Parce que là, la cabane dans le bois, je présume que c'est à propos d'une cabane dans le bois. Ouais, Ouais. c'est une gang de jeunes qui OK. va dans une cabane pour la fin de semaine. OK. Puis là, ils trouvent un sous-sol. Oh. Mais d'un autre côté, il y a une compagnie que à chaque année, ils doivent faire comme un film d'horreur, mais dans la vraie vie. Oh, OK. Pour le montrer à des comme des dieux. Oh. Puis là, ils font que la gang qu'ils prennent, ils font des mauvais choix. Puis ils envoient des monstres différents chaque année. OK, donc les jeunes qui sont dans la qui visitaient la cabane, ils se trouvent à rencontrer ces créatures-là ou? Oui. Oh, OK. Donc on peut présumer de Mais ce qui va là, se à la passer. fin, il y en a deux qui trouvent l'entrée de la compagnie et qui attaquent tout, puis ils libèrent tous les monstres. Ah, OK, fait que ça, c'est un film d'horreur qui finit bien. Non. Non, bon, OK. C'est bon. Puis sinon, est-ce que tu avais autre chose à nous dire? Ah oui, tu nous parles d'un top 10 de films. C'est-tu des films d'horreur pas épeurants ou c'est des films pas épeurants en général? Ben, oui, c'est des films d'horreur OK. les plus épeurants et aussi un top 10 des moins épeurants. OK. Mais là, il nous reste pas beaucoup de temps. Fait que si on faisait, mettons, les 5 épeurants, Ok, ouais. pas épeurants. OK. On t'écoute. Alors, le top 5 des plus épeurants. Les plus épeurants, oui, OK, Dans la j'ai. cinquième position, il y a Massacre à la tronçonneuse. OK. On parle-tu de la version originale des années 70 ou du Oui, la version remake? originale. OK, parfait. Il y a The Shining. Ah oh oui, hey, ça c'était peur, hein, t'as raison. La Conjuration. Ça me dit rien, mais j'aime pas Ben, ça. The Conjuring, en anglais. J'ai pas du tout un sentiment positif par rapport à ce titre-là, ça m'inquiète. Ensuite. En deuxième position, il y a Héréditaire. OK. Et en première position, L'Exorcisme. Oui, aïe, aïe, OK. Ça, on parle du vieux film, là. Oui. Exorciste. OK. Fait que ça reste, même si, après toutes ces années-là, puis tous les films d'horreur qui ont pu être produits au cours des années, ton meilleur, C'est l'exorcisme. Oui. OK. C'est bon. Puis dans le pas épeurant, mettons qu'on veut avoir une soirée de films d'horreur, mais de pas trop faire de cauchemars. T'as des recommandations aussi pour nous? Oui, il y OK. a... Il y a... Désolé. Bonne fête encore. Bonne fête Ça, encore encore. une fois, c'est une horreur comédie, là. OK. Mais ça, c'est-tu tout moins bon que La cabane dans le bois, puis prêt, pas prêt, ou? Non, c'est tout très bon. OK. C'est juste moins peurant. OK. C'est bon. Ensuite? Le sixième sens. Oui, ça, je l'ai vu. Zombieland. Oui, aussi, ça, c'est vrai. Ça a un style un peu comique, comme on disait. Coraline. Oui. Ça, j'ai encore des enfants qui font des cauchemars à cause de Coraline. Get Out. OK. Oui. Ça, c'est un style un peu surprenant, ça se peut-tu? Oui. C'est ça. Et le moins peurant, c'est je sais qu'est-ce que t'as fait et t'es passé. Ouais, OK. Ça, tu parles-tu de la version là, 2006? Non, 98? Ou c'est une série? Ou... Non, je parle de la version originale du premier. OK, c'est ça. I know what you did last summer. Oui. OK, c'est bon. Puis, c'est quoi ta position, je vois, juste en terminant, là, par rapport à Scream, la série Frisson, est-ce que tu as déjà écouté ça? Je sais qu'il y a une Je l'ai version qui est bonne. commencé, je suis rendue à l'épisode 3, OK. mais je n'ai jamais écouté l'original. T'avais pas vu les films, là, 1, 2, je pense qu'il y en a Non. 4. OK. Mais je dirais que c'est bon, ouais, OK. c'est correct. Ben c'est bon. Ben merci. Écoute, c'est un petit panorama des films d'horreur. Je savais même pas qu'il y en avait autant. Fait que, merci pour l'information. On espère que c'est utile pour les gens. Et à la prochaine. Merci. Bye.